continuer quand tu m'as promis de la haine. Destiné à trôner en haute de sécurité, croyant du tabassage à punité calculée. Le cri glorifié au son de la Marseillaise, et en place publique son grand rêve d'exposé. C'est dans des prisons qu'on fabrique le crime, les puissants pilotés qu'un autre maîtrise. C'est dans des prisons qu'on fabrique le crime, les puissants pilotés qu'un autre maîtrise. L'ordre peut régner de la mort.